frustrations et les déboires. Je suis rancunier, j'ai une excellente mémoire. Des idées très noires dans ma tête et peu d'affaires classées. Je le jure sur toutes les droites que j'ai pas pu placer. La route de la vengeance est juste vert glacé. Avant j'aimais les gens mais j'en ai eu assez. La faute à tous les connards que j'ai vu passer. Je souris mais ma réalité est tout autre. Je fais le dos rond, tasse une clope sur mon pouce gauche. La glotte de la réussite sous mon pouce droit. La serrer jusqu'à ce qu'elle fasse une place pour moi. C'est triste à dire mais les esprits sont sournois. À la base la vie est belle, ça vous excite de tout salir. Je ne compte plus sur personne. Ça m'évite de vous haïr. Pour passer mes nerfs j'écris, je fais ce que j'aime. Quand j'aimerais casser des nez je reste zen. J'ai quand même failli me battre encore cette semaine. C'est ça quand tu veux dire les choses comme elles te viennent. Je dois enterrer les vieilles querelles. Cesser de vous détester. J'allais partir en vrille mais je vais rester. Calme et posé. Calme et posé. Hein. Second round, second round, second round. J'allais partir en vrille mais je vais rester. Calme et posé. Yo, c'est Flint.